La Yon. Smooth the Hustler, a.k.a. Shotgun Slim. Barry Brooklyn. Now everything you talk about is something to doubt. Running your mouth, it's a quick fucking amount. I'm up in the bow, keep them clocking. Now everybody wants some of my time. Well, you a player, stop adding your 2 cents. Take one of my dimes, back out of time. Come out of line, I lay mine. My G paint pictures for bitches like I was drawn for canines. Heard you was the great mind behind a grapevine. So I'ma take time to check, so you never mistake mine. Now truthfully, how many of y'all wanna link with the clique? Since girls play my games, I don't think with my dick. Y'all niggas wonder how they pushing me they bread. But instead of pitching a bitch, bitches throw me they pussy instead. Feel sorry for the last girl who took me to bed. The head shot though, and to this day she's still in the crib. The bed got her, left her laid. We're not separate ways, so of course now les gaz font rouler par des gos bien roulés. Est-ce leur destinée? Les gaz font rouler. Mais dis-moi donc à quoi on sert? Les gaz font rouler par des gos bien roulés. Est-ce leur destinée? Mais si on se fait rouler? Mais dis-moi donc à quoi on sert? Et là, je vois une go avec des purs pare-chocs, une go hyper chic. Le genre à faire signer des gros chèques. Ses lèvres pulpeuses avec un bête de boule. J'suis peut-être débile, mais faut que je la serve en méga des boules. Son style casse des briques, putain j'suis high. J'voulais l'offrir un verre, j'ai pas de maille, putain j'suis die. Sous pas de fly, si tu me suis pas taille. Si c'te chope un chope, t'auras droit mon choupa choup. La go me guette, mais fais semblant de ne pas mater. Ce soir c'est sûr, j'vais pas te rater. Et si on faisait la fiesta, elle me dit qu'est-ce moi, deux capotes, une banane et une forte fiesta. Allons nous balader à l'hôtel Baladin. Ton corps, je vais l'escalader. J'ai la même lampe qu'Aladin. Pas vu, pas pris. Je m'apprête à lancer le javelot. Et là, moi, je préfère si t'enlèves ta capote. Les gaz font rouler par des gos bien roulés. Est-ce leur destinée? Les gaz font rouler. Mais dis-moi donc à quoi on sert? Les gaz font rouler par des gos bien roulés. Est-ce leur destinée? Mais si on se fait rouler? Mais dis-moi donc à quoi on sert? Why you taking it to heart? You knew how shit was flowing. Asking me to plant a seed while our relationship was growing. You ain't gotta doubt my feelings, I already care. I hear you coming in mumbling something about cuddling something. Here's a teddy bear, I'm exclusive coming in. Like if I'm already there, pulling out something running in. I don't half step or half do things. You want them lazy, I don't like sharing. Imagine me going half on the baby. Laisse pas traîner ton slip, sinon ça se termine en big bang. J'attends des clics car dans ma clique tu vois les big bands. Tu veux faire la bringue, j'appelle tout mon gang. Joue pas trop les dingues, tu seras pas sauvé par le gong. Tu marques mon territoire sur terre étrangère. Ta virginité m'appartient sur grande étrangère. Comme une vipère, j'opère, vénère, je crache mon venin. Vulgaire, j'arrive, histoire de retracer mon chemin. Les gaz font rouler par des gos bien roulés. Est-ce leur destinée? Les gaz font rouler. Mais dis-moi donc à quoi on sert? Les gaz font rouler par des gos bien roulés. Est-ce leur destinée? Mais si on se fait rouler? Mais dis-moi donc à quoi on sert? Les gaz font rouler par des gos bien roulés. Est-ce leur destinée? Les gaz font rouler. Mais dis-moi donc à quoi on sert? Les gaz font rouler par des gos bien roulés. Est-ce leur destinée? Mais si on se fait rouler? Mais dis-moi donc à quoi on sert? Les gaz font rouler. Mais si on se fait rouler? Les gaz font rouler par des gros bien roulés.